Kanyang. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. De fortes pluies qui se sont abattues sur la province Bubanza depuis vendredi ont causé d'énormes dégâts, surtout en commune Gihanga, dont un enfant grièvement blessé. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans ce journal également, nous ferons le tour des provinces pour parler pénurie de carburant, provoquant ainsi la hausse du prix du ticket de transport. Vous aurez également le point de vue de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM. Et les propriétaires de parcelles de Karurama en province Chibitoke affirment avoir payé les frais de viabilisation, ça fait 3 ans, sans avoir eu les autorisations de bâtir à la CIP. L'on précise qu'il y en a qui n'ont pas encore payé. Et à la fin de ce journal, vous aurez l'actualité sportive. La mise en onde est assurée par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, parlons carburant pour débuter ce journal. En situation de pénurie de l'essence au niveau des stations de distribution dans la ville de Muyinga, ce produit est pourtant disponible chez les vendeurs improvisés non loin des stations. Des habitants ont besoin, craignent que les vendeurs en question s'approvisionnent aux stations qui en disponibilisent afin de les revendre à un prix très élevé. Une correspondance signée de Dieudonné Nzeyimana. Lundi avant midi, les approvisionnements en essence ne sont pas faits que sur les 5 stations de la ville de Muyinga. Dimanche, de longues files d'attente s'observaient à la station de Mukoni qui en disposait. Aujourd'hui, c'est vidé. Ça fait un mois que les distributeurs d'essence se relaient à des intervalles de rupture totale. L'essence est pourtant toujours disponible chez les vendeurs de la contrebande. Un litre varie entre 3500 francs et 4000 francs burundais. D'où est-ce que les vendeurs improvisés, non loin des stations, trouvaient-ils de l'essence et en permanence? Certains résidents de Muyinga affirment que le carburant vendu par bouteille en plastique ou par bidon vient des stations de distribution une fois disponible. De quelle stratégie le marché noir est-il alimenté en essence? Question sans réponse. Ici, des habitants demandent aux institutions habilitées, notamment la police qui surveille les approvisionnements à la pompe, de continuer à s'investir pour ne pas laisser le champ libre aux spéculateurs. De Muyinga, de donner Zeymana pour la radio Isanganiro. Quittons la province Muyinga pour nous rendre au centre du pays, en province Karusi, où près de 2 semaines vont s'écouler sans produits pétroliers. Les prix de certaines denrées alimentaires et le prix du ticket de transport ont été revus à la hausse, nous rapporte Blaise Pascal Karalumi. À la station-service du centre de négoce de Muyinga, qui est la seule station qui était régulièrement approvisionnée en carburant et servant presque toute la province de Karusi, le personnel indique qu'il fait presque 2 semaines qu'il n'y a pas de carburant. Il signale qu'il y a plus de 2 semaines sans carburant de type mazout. À la station du chef-lieu de la province, un seul agent qui est resté indique qu'il y a 2 mois qu'il n'y a pas de carburant et cette situation était même irrégulièrement approvisionnée, comme l'indique cet agent. Les commerçants et transporteurs expliquent que c'est la pénurie du carburant qui a fait que le ticket de transport a monté et a même doublé pour le transport à moto. Pour les véhicules, le ticket de transport du trajet Gitega-Karusi est passé de 4 000 francs à 6 000 francs et le trajet de Karusi-Muyinga de 3 000 francs à 5 000 francs. Et là où c'était 1 000 francs est passé à 1 500 francs comme Karusi-Muyinga. Les denrées alimentaires comme le riz, les haricots, oignons, huile de palme et autres ont aussi monté de prix de 200 à 400 francs le kilo. Au marché noir, un litre d'essence s'achète entre 4 000 et 5 000 francs dans une bouteille d'eau appelée communément Kinjou de 1,5 litre qui se vend de 6 000 à 8 000 francs plein de l'essence. Certains des habitants de Karusi déplorent eux-mêmes leur situation économique actuelle et demandent ainsi aux responsables chargés de ce secteur de remédier à cette situation qu'ils qualifient de morose. Depuis Karusi, Blaise Pascal Karalumier pour la radio Isanganiro. Restons au centre du Burundi, tout près de la province Karusi, en province Gitega, où aucune goutte de carburant n'est retrouvable dans cette province. Une province qui compte 8 stations services fonctionnelles. S'il advient qu'une station ait du carburant, de longues files de véhicules et motocyclettes s'observent, de même que des éléments de police pour prévenir tout désordre au cours de la distribution. Les détails avec Gérard Niwigira. Après un tour effectué le matin de ce lundi dans cette station-service située dans la ville de Gitega, et après que nous sommes informés de la situation prévalant à la station en service de 6 en commune Bugendana de la province de Gitega, le constat a été qu'aucune station parmi les 8 enregistrées dans cette province ne disposait du carburant, que ce soit de type mazout, que ce soit de type essence. Un des pétroliers de Gitega contacté a dit qu'il espère avoir du carburant le soir de ce lundi ou demain. Il a en outre parlé du manque de devises comme cause principale de cette pénurie du carburant, soulignant aussi que le prix du baril a chuté au marché international. Ainsi donc, une seule station-service est distribuée du carburant ce dimanche. Le carburant qui est terminé sans que tous les demandeurs de ce produit soient servis de longues files de véhicules, de motocyclettes et de personnes portant des bidons de dimensions variables à la recherche du carburant s'observaient devant cette station. C'est au moment où de tels fils et des éléments de la police sont toujours visibles devant toutes les stations-service de distribuer du carburant dans des périodes de sa pénurie. Les éléments de la police ayant le rôle de prévenir un désordre éventuel lors de la distribution du carburant. Cependant, au marché noir, le carburant est toujours disponible mais à des prix élevés. Il s'agit d'un prix variant de 4 000 à 6 000 francs boules au litre d'essence et d'un prix allant de 2 800 à 3 500 le litre de mazout, le prix officiel étant de 2 430 francs boules le litre d'essence ou de mazout. Depuis Gitega, Jérémy Wigira pour la radio Isanganiro. Après ce tour des provinces, revenons à mairie de Bujumbura où certains passagers rencontrés ce lundi au parking de bus menant vers le nord du Burundi se plaignent de la hausse du prix du ticket de transport. Les chauffeurs avancent un manque de carburant alors que les passagers sont nombreux. À titre d'exemple, pour ce ticket de transport de Bujumbura à Kayanza, le prix du ticket de transport passe de 7 000 à 12 000 voire 13 000 francs burundais. Les détails avec Vestine Boutoy. Nous sommes dans le parking du Kotebu où se garent les bus de transport vers l'intérieur du pays. Les bus de marque IAS ne sont pas suffisants. Ils viennent un à un alors que les passagers prêts à monter vers l'intérieur du pays sont nombreux. Ces passagers se demandent comment parvenir à se déplacer vers leur destination. Si un bus de marque IAS arrive, les passagers courent derrière lui afin qu'il puisse s'y installer. Malheur à celui ou à celle qui est incapable d'entrer dans des bousculades. Une de ces passagers voulait se rendre à Muhanga, en province de Kayanza, témoigne que suite à l'insuffisance de ces bus de transport, on a haussé le prix du ticket de transport. Elle indique que le prix de Bujumbura-Muhanga était entre 6 000 et 7 000 francs burundais, mais qu'aujourd'hui, ce ticket est de 13 000 francs burundais. Elle ajoute qu'il est presque impossible de se déplacer dans ces bus si on est avec ses enfants et ses bagages. Cependant, l'un des convoyeurs de ces bus explique les raisons de la hausse du prix du ticket de transport et l'insuffisance de ces bus de transport par la pénurie du carburant et la surabondance des passagers contraire à l'accoutumée. En plus, il dit que le carburant qu'ils utilisent l'obtiennent frauduleusement. Puisque le carburant obtenu est insuffisant, il affirme que certains chauffeurs préfèrent réduire la distance de leur destination. Par exemple, au lieu d'aller vers Gitega, ils s'arrêtent à Rutegama Gatabo, en province de Muramvya. L'un des gestionnaires de ce parking fait savoir qu'il est au courant de la situation et qu'ils sont en train de surveiller les chauffeurs et les convoyeurs afin d'éviter cette hausse du prix du ticket. Mais il affirme lui aussi la présence de la pénurie du carburant, raison pour laquelle ils ont fait une convention d'ajouter au prix normal 500 francs burundais pour les bus allant vers Muramvya et Gitega et 1000 francs burundais pour les bus allant vers Ngozi. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal, parlant toujours carburant. La pénurie du carburant qui sévit au Burundi est une conséquence de manque de devises ces derniers jours, selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'OLUCOM. Pour Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM, rendre disponible un fonds stratégique carburant et l'assainissement du climat d'affaires sont parmi les solutions pour faire face à cette pénurie des produits pétroliers. Suivez. Nous sommes en train d'assister à une situation que je qualifierais par ailleurs de grave par rapport à la pénurie des produits pétroliers. Nous avons entendu les propos du porte-parole du ministère en charge des produits pétroliers que c'était un petit problème technique qui devait trouver une solution rapide. Mais voilà, ça fait 3 semaines, nous interprétons cela comme une volonté manifeste d'un côté de l'Interpétrole, parce que c'est presque la seule société pétrolière qui importe actuellement, mais aussi de l'autre côté pour l'Oricom, les problèmes que nous voyons actuellement, il y a un problème au niveau de la disponibilité des devises. Certes, il y a d'autres problèmes, mais ce problème des devises, c'est le problème qui cause actuellement tous ces problèmes-là. Comment sortir effectivement de cette situation pour que cette pénurie n'affecte pas d'autres secteurs de la vie du pays? Les autres secteurs du pays sont déjà affectés. Aujourd'hui, trouver des médicaments communément appelés spécialités, c'est très difficile. La première solution, il faut assainir ce climat politique. Deuxièmement, il faut créer le stock stratégique d'au moins 3 mois, mais aussi il faut traiter les importateurs de la même façon pour qu'il y ait de la concurrence loyale. Pour lui, revoir à la hausse le prix du carburant comme il a été observé n'a jamais été une solution à privilégier. Suivez-le encore une fois. Revoir à la hausse le prix à la pompe, je dois vous le dire, c'est d'ajouter le drame au drame, parce que les produits pétroliers, ce sont des produits sensibles. Une fois revus à la hausse, c'est tous les produits qui vont être revus à la hausse. Par là, il faut entendre le transport, les produits au niveau des industries. C'est une situation vraiment que l'Oricom ne peut pas en aucun cas cautionner, mais plutôt nous conseillons qu'il y ait des mesures adéquates pour déstabiliser cette situation. Et au niveau du ministère burundais de l'énergie et mines, l'on a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h08 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal où les conflits fonciers et l'appartenance à différentes formations politiques sont les principales causes des heurts entre jeunes de Kiwagon, province Makamba, peu avant 2015. Les jeunes qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro disent actuellement cohabiter pacifiquement suite aux efforts de rassembler ces jeunes fournis par l'administration, l'Église catholique, certaines organisations et les médias. Nous correspondons se signer Jean-Pierre Misago. Les jeunes des différentes formations politiques opérant dans la commune Kiwago reconnaissent qu'il y a eu des heurts entre eux peu avant et en 2015. Pour certains, comme Kezimana, un membre du MSD habitant Rubimba, et Ndikumwenayo, un membre de la coalition Amizero ya Barundi de Jimbi, le règlement des conflits fonciers par la CNTB en est l'origine. Pour d'autres jeunes du CNDD-FDD de Nyarubanga et d'Amizero ya Barundi de Kiange, ce sont des enseignements divergents de la part des politiciens pour des fins électoralistes qui sont à l'origine de cette situation. Actuellement, ces jeunes disent cohabiter pacifiquement. Ils convergent sur le rôle joué par l'administration, l'Église catholique, le centre d'alerte et de prévention des conflits, le centre Ubuntu, de même que certains médias comme la Radio Nationale, la Radio Isanganiro et le Studio Ijambo, dans les actions allant dans le sens de les réconcilier, un avis qu'il partage avec Zeno Nishimwe, administrateur communal de Kiwago. Jean-Pierre Misago, depuis Kiwago, Radio Isanganiro. Et de Kiwago en province Makamba, rendons en province Bubanza, où un enfant de la colline Ndavabusongo a été grièvement blessé, plus de 300 maisons endommagées et plus de 500 hectares de cultures vivrières détruites. Tel est le bilan provisoire de fortes pluies, qui se sont abattues sur toute la province Bubanza depuis vendredi. Un bilan de l'administrateur de la commune Gihanga, Léopold Ndaïsaba, qui précise que ces inondations ont été provoquées par la rivière Kajeke qui a perdu son lit initiale, à une correspondance de Spes Caritas Kabanyana. Un enfant a été grièvement blessé ce dimanche sur la colline Ndavabusongo dans la commune de Gihanga. Les murs de la maison se sont écroulés sur lui suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans toute la province de Bubanza depuis ce vendredi. Les dégâts ont été énormes en commune Gihanga suite à l'inondation selon l'administrateur de cette commune, mais il précise que le bilan reste provisoire parce que les maisons qui flottent dans l'eau continue à s'écouler et beaucoup de cultures restent couvertes par des étendues d'eau. 333 maisons sont déjà à terre sur différentes collines de cette commune. Selon l'administrateur, 550 hectares de cultures différentes sont déjà endommagées, 547 latrines complètement détruites. Difficile de traverser la cinquième transversale, sérieusement inondée. De jeunes gens attendent les passagers, les portes au dos pour traverser cette eau et le prix est de 500 francs par personne adulte, 300 francs un enfant. L'administrateur de la commune Gianga explique que ces inondations ont été provoquées par la rivière Kajeke qui a perdu son lit initial et quand il pleut, l'eau se déverse partout, causant ainsi des dégâts. Léopold Ndayisaba recommande à la population de faire le curage des canaux d'évacuation d'eau et les caniveaux. Il appelle également les bienfaiteurs à aider dans le curage de la rivière Kajeke afin qu'elle regagne son lit d'origine. Restons à l'ouest du Burundi, cette fois c'est en province Cibitoke où les propriétaires de parcelles de la colline Karurama affirment qu'ils ont payé les frais de viabilisation il y a plus de 3 ans mais n'ont pas encore eu les autorisations de bâtir. Au sein de la société immobilière publique, l'on indique que les travaux de viabilisation ne sont pas achevés puisqu'il y a ceux qui n'ont pas encore payé ces frais. Alexis Ndeiragij. Ces parcelles se trouvent sur la colline Karurama, au chef-lieu de la province Cibitoke, étant à plus de 500. Les propriétaires de celle-ci affirment que certains ont payé les frais de viabilisation il y a d'ici plus de 3 ans. Jusqu'à présent, aucun de ces propriétaires n'a déjà eu l'autorisation de bâtir. Certains que nous avons contactés nous ont indiqué qu'ils ont déjà saisi le service provincial de l'urbanisme sans succès, le responsable de ce service les ayant renvoyés au sein de la société immobilière publique. Contacté sur ce sujet, le responsable de l'urbanisme à Cibitoke nous a indiqué que la viabilisation de la colline Karurama a été effectuée par la société immobilière publique CIP en sigle, que c'est elle qui a le droit de donner l'autorisation de bâtir. Au sein de la société CIP, la réponse a été que les travaux de viabilisation ne sont pas encore achevés puisque certains propriétaires des parcelles n'ont pas encore payé les frais de viabilisation. Certains de ces propriétaires lésés affirment très bien que les frais de viabilisation qu'ils ont payés étaient des crédits de banque afin qu'ils construisent leur premier logement. Ils demandent alors l'octroi de ces autorisations de bâtir afin qu'ils réalisent leur projet. Le représentant des ressortissants de la province de Tokyo précise qu'il va saisir le responsable de la société immobilière publique dans le but de trouver la solution à ce problème. Pour ces plus de 500 parcelles, seulement une est déjà construite par un cadre de la province. Un responsable de la société immobilière publique contacté nous a avoué que les conséquences qui pourraient le concernent cette société. Depuis Alexine pour la radio Isanganiro. Vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Retourne en province Makamba avant de suivre l'actualité sportive. À la veille de la fête de Noël, certains des résidents de la ville de Makamba disent éprouver des difficultés à se préparer à cette fête. Commerçants et acheteurs se lamentent. Cependant, ils vont célébrer malgré les maigres moyens, poursuivent-ils. Une information que nous devons à notre correspondant en province Makamba, Jérôme Hakizimana. Et après avoir battu Atlético Olympique 2-1 ce dimanche, la formation Aigle Noir de Makamba vient toujours en tête du championnat national Primus League Burundi. Messager Bujumbura occupe la dernière position avec 14 points au basketball. L'équipe Dynamo côté masculin et Berkostar côté féminin ont remporté la deuxième édition de la Coupe du Président. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Le championnat national de football en première division baptisé Primus League Burundi était à sa 19e journée ce week-end. Plusieurs matchs ont été livrés dans les différents télés de football. Vendredi, au stade Presse-Louis Guagasore, Messager Bujumbura a été battu par Ngozi City sur le score fleuve de 4-1. Au même stade, des matchs y ont été joués ce samedi. À 13h30, la formation policière de Rukinzo a battu les Lières 2-1. À 16h, Lydia dit que Burundi Sport for Africa s'est incliné 2-1 face à Flambeau du Centre. Le match qui a opposé Flambeau de l'Est et Bumamuru s'est soldé sur le score vierge 2-0 partout. Ce dimanche, le championnat a continué. Au stade Pressé Louis Gwagasore à 13h30, Buja City s'est incliné 2-1 face à Vitaro FC. À 16h, Aigle Noir de Fighters de Makamba a battu Athletic Olympique 2-1. Au stade Rukundo Dongozi, Kayanza United a égalisé 2 partout avec Olympique Star de Muyinga. La rencontre qui était beaucoup attendue par les amateurs du ballon rond est celle qui a opposé Messager Ngozi et Musongati FC au stade Ingoma de Gitega qui s'est sorti sur l'égalisation d'un but partout. Aigle Noir de Makamba vient toujours en tête du classement provisoire avec 38 points. Musongati est deuxième avec 39 points. La troisième place revient à la formation Vitaro FC avec 31 points. Ngozi City occupe la quatrième place avec 29 points. L'équipe de Messager Bujumbura est dernière avec 14 points. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé, c'est la finale de la deuxième édition de la Coupe du Président en basketball. Du côté masculin, c'est Dynamo qui a remporté la coupe après avoir battu Urunani 47 points sur 39 points. Du côté féminin, c'est la formation Berco Star qui a été sacrée championne après avoir éliminé les Gazelles sur 51 points à 36 points. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana, voilà 13h16 minutes dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.